Chapitre 3e. Note confidentielle jointe au rapport officiel du commissaire de police du 1er arrondissement, section des Tuileries. Prévenu aujourd'hui, 20 octobre 1847, à 9h du matin, qu'un crime avait été commis rue de la Paix, au numéro 6, nous nous sommes empressés de nous rendre sur les lieux, après nous être fait assister de notre secrétaire, le sieur Bibert, et du sieur Godin, officier de paix, qui se trouvait dans notre cabinet au moment où la nouvelle nous est parvenue. Arrivés devant le numéro 6, nous apercevons un rassemblement que plusieurs sergents de ville ne peuvent parvenir à dissiper. Il nous est très difficile d'atteindre la porte cochère de la maison. Des propos de toute espèce, se contredisant pour la plupart, sont tenus dans les différents groupes que nous traversons. Mais on paraît s'accorder sur ce point que la victime s'appelle Maurice Vidal et est employée à la bourse. Sa femme, une Italienne, d'une grande beauté, dit-on, est arrivée ce matin de voyage. Elle paraît plongée dans un violent désespoir. Les uns assurent que l'assassin vient d'être arrêté. Les autres affirment qu'on ignore absolument qui a commis le crime. En montant l'escalier, nous entendons le colloque suivant. C'est peut-être elle. Ces Italiennes sont capables de tout. Puisqu'on me dit que celle-là adorait son mari. Oh, on a l'air d'adorer son mari, et souvent on le hait. Du reste, elle était absente, elle n'est de retour que depuis une heure. Eh bien, ne peut-elle avoir un complice qui s'est chargé de l'affaire, ça se voit. Arrivés à l'entresol, les sergents de ville nous reconnaissent et nous font pénétrer dans l'appartement où le crime a été commis. Nous donnons des ordres pour qu'on évacue l'escalier, qu'on ferme la porte cochère et qu'on ne laisse plus pénétrer dans la maison que les locataires ou les autorités. Les express sont en même temps envoyés par nous au parquet, à la préfecture de police et au chef de la police de sûreté. Après avoir traversé l'antichambre, la salle à manger et le salon, où nous ne remarquons rien d'insolite et où tous les meubles paraissaient occuper leur place habituelle, nous pénétrons dans un élégant cabinet de travail. Deux femmes, en proie à une grande douleur, ne semblent même pas s'apercevoir de notre arrivée. L'une d'elles paraît être la suivante ou la dame de compagnie de l'autre. Elle est agenouillée aux pieds de sa maîtresse. Elle lui embrasse les mains et on l'entend murmurer ces mots. « du courage, ma chère Julia, il vous faut du courage pour le venger. » Tout à coup, celle qu'on désigne sous le nom de Julia se lève et s'écrie « Oui, oui, je le vengerai, je le jure. » Et elle se redresse, elle étend la main, ses yeux étincellent. L'officier de paix, M. Godin, se penche vers moi et murmure à mon oreille « La douleur de cette femme doit être sincère. Je ne crois pas aux propos que nous avons entendus en montant. C'est aussi mon avis. » Seul mon secrétaire, le sieur Bibert, qui m'a donné plusieurs fois des preuves de grande perspicacité, ne paraît pas partager notre impression. Il trouve cette douleur un peu théâtrale et il serait tenté d'accuser la dame Julia de jouer un rôle. Nous lui faisons observer que, d'après nos renseignements, la dame en question est italienne. Un peu d'exagération est de mise, surtout en son pays, et il est difficile de la juger comme nous jugerions une parisienne. Du reste, le coup qui vient de la frapper est si terrible et si inattendu que sa douleur est bien légitime. M. Vibert ne se rend pas entièrement à nos raisonnements. Il continue à observer attentivement la dame Vidal. Pendant ce temps, nous examinons avec une extrême minutie le cabinet où nous nous trouvons. La fille Marietta, suivant toute dame de compagnie de la femme Vidal, nous affirme que rien n'y a été dérangé par elle ou par sa maîtresse. Tous les meubles ont conservé la place qu'ils occupaient quand ces deux dames sont entrées une demi-heure auparavant, dans ce cabinet. Voici le résultat de nos remarques. Premièrement, les deux portes qui communiquent du cabinet dans le salon et la chambre à coucher sont ouvertes et ont été trouvées ouvertes. Dans tout l'appartement, la porte d'entrée était seule fermée, mais sans aucun verrou intérieur. On peut donc supposer que l'assassin s'est retiré en traversant l'appartement et s'est borné à refermer la porte du palier. Deuxièmement, un fauteuil et une chaise renversés dans le milieu du cabinet, différents objets épars sur le bureau, un candélabre par terre, indiquent suffisamment que ce cabinet a été le théâtre d'une première lutte. Mais l'assassin y a-t-il frappé sa victime, qui est allée peu après mourir dans la chambre à coucher? Ou bien Maurice Vidal, après s'être d'abord défendu dans la première pièce dont nous parlons, s'est-il réfugié dans sa chambre où le meurtrier l'a poursuivi et l'a frappé mortellement? On peut s'arrêter à cette dernière supposition si l'on veut bien remarquer avec nous que malgré un minutieux examen, nous n'avons découvert aucune tache de sang dans le cabinet. Préoccupé de l'importante question de savoir si un vol a été commis à la suite de l'assassinat, Nous regardons l'un après l'autre tous les tiroirs de bureau. Ils sont fermés et ne portent qu'une trace d'effraction. Un seul tiroir, celui du milieu, est entrouvert. La clé est à la serrure et une somme de 25 louis en or s'étale à nos yeux. D'autres papiers sont épars dans ce tiroir, dont nous retirons la clé afin de la remettre à qui de droit. On ne trouve dans le reste de l'appartement aucune caisse ou meuble destinée à contenir de l'argent ou des valeurs. Au moment où nous allons franchir le seuil de la chambre à coucher, la dame Vidal, contenue jusqu'alors par la fille Marietta, s'échappe de ses bras et veut nous suivre. Nous la prions, avec les plus grands ménagements, d'observer que sa présence peut nous gêner dans nos investigations et qu'elle doit, dans son propre intérêt, nous laisser toute liberté d'action. Elle écoute nos raisonnements avec plus de tranquillité et de sang-froid que nous n'espérions, et sans nous répondre, elle se rassit en silence sur le canapé qu'elle venait de quitter. Cette femme paraît douée d'une grande énergie. Loin d'entraver la justice, elle pourra lui prêter un utile concours. Le sieur Vibert l'examine toujours, mais il paraît avoir changé d'opinion à son égard. Voici l'état exact dans lequel nous trouvons la chambre à coucher. À gauche, en entrant, un petit meuble en bois de rose qui n'offre rien de particulier. À deux pas de là, un grand fauteuil capitonné tout taché de sang. On aperçoit aussi des taches de sang sur le tapis devant le fauteuil. C'est sans doute à cette place que la victime aura été frappée. Mais elle n'est pas morte sur le coup et elle aura eu la force de se traîner quelques instants afin d'appeler au secours. En effet, les taches de sang se dirigent du côté de la croisée qui donne sur la cour et indiquent, de la façon la plus significative, le chemin qu'a dû parcourir Maurice Vidal. Arrivé près de la fenêtre, une de ses mains s'est cramponnée au rideau. Il a essayé de se soulever et d'atteindre l'espagnolette sans pouvoir y parvenir. Alors, il aura tenté de briser une des vitres qui porte les traces de son poing fermé, mais la force lui aura manqué. C'est probablement en ce moment qu'il s'est senti perdu sans appel et qu'il n'a plus qu'une pensée, se venger de son meurtrier. Maurice Vidal aura cherché quelque chose pour écrire et apercevant sur une table placée près de son lit son carnet de boursier, il se sera traîné jusque-là. Il est encore facile de le suivre dans ce parcours de 2 mètres à peine. Sa main s'appuie d'abord au pied de la table, puis s'élève peu à peu, laisse un sillon sanglant sur un verre d'eau qu'elle rencontre par mégarde et atteint enfin le carnet qu'elle cherchait. Alors, il écrit à la lueur d'une bougie placée sur la table. Mais ses yeux se troublent. Il lui semble sans doute que le crayon ne marque pas. Et après l'avoir trempé dans le sang qui coule de sa blessure, il trace ces mots « Julia, venge, l'assassin, sape ». Il ne peut continuer, le sang lui remonte au cœur, il l'étouffe. Sa main laisse échapper le crayon et le carnet. Il fait un suprême effort, il se raidit, il essaie de lutter contre la mort. Mais tout est fini, son corps à moitié soulevé retombe sur le lit, c'est dans cette dernière position que nous l'avons trouvé. Quelles sont, monsieur, les observations particulières que j'ai pu faire et que j'ai l'honneur, d'après vos ordres, de vous transmettre? J'ai remis hier au parquet mon rapport officiel. Suis la signature. Du rapport d'un médecin légiste requis par le ministère public pour examiner la victime, il résulte que, premièrement, Maurice Vidal a été frappé avec une arme tranchante. Deuxièmement, un de ses instruments, désigné sous le nom de couteau poignard, est retrouvé sous un des meubles du cabinet de travail, où le meurtrier l'aura rejeté, son crime accompli, s'adapte parfaitement à la blessure. Troisièmement, le coup était mortel. Il a fait de profondes lésions dans la région subclaviculaire. Cependant, grâce à l'étroitesse de la blessure, la victime a pu vivre encore quelques instants et n'a dû succomber qu'aux suites d'une hémorragie interne. Quatrièmement, on ne remarque aucune autre blessure sur le corps de Maurice Vidal. Un seul coup a suffi, mais il a dû être porté par un bras des plus vigoureux, ou par une personne dont la colère décuplait les forces, le couteau, en très mauvais état, n'ayant pénétré dans le corps qu'à la suite d'une impulsion violente. Cinquièmement, la mort, au moment où elle a été constatée, c'est-à-dire à 9h35 du matin, devait, d'après la rigidité cadavérique, remonter à 11 ou 12 heures. Sixièmement, on ne doit pas s'arrêter sérieusement à la pensée que Maurice Vidal se soit suicidé et qu'il ait essayé de déguiser ce suicide à l'aide de mots écrits sur son calepin. Car le coup a été porté de haut en bas, soit par une personne d'une taille plus élevée que celle de la victime, soit au moment où cette dernière se baissait. En se frappant lui-même, Maurice Vidal n'aurait pu se porter qu'un coup horizontal ou de bas en haut. Le coup vertical aurait dévié dans les chairs ou le long des côtes. suit la signature du médecin légiste.